Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Grosse émission cette semaine, comme bien souvent, il arrive plusieurs nouveautés intéressantes pour nous, hein, des succès, des palmarès de nos années antérieures, dont Pete Moss tantôt. Il faut aussi avoir Los Campesinos. On va entendre plein de bonnes choses, mais on commence avec nos amis de l'Indice du côté francophone. Le nouvel album s'appelle Le jour après Noël. C'est un album un petit peu concept qui m'a l'air assez étrange. Et on écoute ça tout de suite dans le poste d'écoute. Ah, c'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. www.unechance.com. Poste d'écoute. Aujourd'hui, tu m'aimes.

La formation L'Indice avec leur nouvel album Le Jour Après Noël. On a entendu les trois premières pièces de l'album. Il y avait Le Jour Après Noël, Ton Cœur Aujourd'hui et Malade comme le Vich, je crois, en tout cas. Donc, c'est le premier album de L'Indice qui sera lancé lundi, qui s'en vient le 1er décembre à 17h. La chanson Le Jour Après Noël a été inspirée par le Boxing Day Shooting. Le 26 décembre 2005, une jeune fille meurt d'une balle perdue près du Toronto Eaton Center pendant que le reste du monde achetait à rabais dans les rayons des magasins. Le Jour Après Noël est un album qui tourne autour des thèmes de la mort, de la solitude, de l'avarice, de l'amour et de l'espoir. Donc, L'Indice, c'est Vincent Blain, qui nous présente sa version de ce que pourrait être un disque de Noël sombre dans un style de musique pop psychédélique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi faire plein de choses là sur leur site web www.lejourapresnoel.com ou encore myspace.com/L'Indice. Voilà pour L'Indice et l'album Le Jour Après Noël. On passe à l'anglophone pour aller entendre un Canadien, B.D. Gottfried, avec son album The Element of Left. Ça commence tout de suite avec One White Crow dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou ça! It's crazy that! We'll be right back. c'est fou, fou dans mon oreille. 89. C'était les trois premières pièces du nouvel album de Billy Godfrey qui s'appelle The Element of Left dans le poste d'écoute. Pour en savoir plus, allez voir bdgodfrey.com, bdgotfrey.com, ou sinon passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, vous allez trouver tous les liens de tous les artistes qu'on joue dans toutes les émissions du poste d'écoute. Il y a aussi la balade aux diffusions disponible chaque semaine au format MP3. Billy Godfrey avec l'album The Element of Left. C'est un artiste canadien. On repasse du côté francophone pour aller entendre une formation qui s'appelle Haut-parleur, comme dans la lettre O et puis parleur. Ils ont envoyé un démo de 5 pièces. Leur site est au myspace.com/haut-parleur. On parlera d'eux un petit peu plus en détail tantôt, mais pour l'instant, voici Ouvrez la cage. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble. Ah, c'est fou, 89 fois. Ouais, c'est pas un secret, là. Je chuchote juste parce que ça sent la plus calme. Ah, OK. C'est fou, dans vos oreilles. Et le nouvel album de Pete Moss dans le Poste Écoute au 89.fr. Avec le temps, le temps, le temps, l'équipe. le poste d'écoute. En ce mois de octobre, à la bourse de Newport, à la côte du bœuf a encore augmenté. On est heureux pour les bœufs. Mangez du bœuf. Merci. Thank you. Lots of American dollars. Mucho, mucho. Mucho cash. Je marche dans la rue, je regarde le ciel au-dessus. Le climat change, on va se mettre à pousser des oranges. Quand je confronte les gens à la réalité, mais tôt ou tard, il va falloir changer. Ils me disent moi, j'ai besoin de mon char et mes 10 000 bébelles. Je vois un crise, c'est mal été une poubelle. Mais quand j'en dis mes pensées à vos enfants, ils me font un quart style Chris Tonka. Ils me disent fuck you, no fuck you, no fuck you, man. Fuck you, man. Tous prêts avant notre cul. Pour de l'argent ou pour passer à la télé. Le corps d'une femme est devenu un objet. Chaque parti a son utilité. Les seins pour vendre la bière et le cul pour vendre les chats. Les chats. Comme les filles, vous êtes des méchants pétards. Ça merde moi et je dois en parler. Même si les gens pensent je suis illuminé. Ils me disent fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Je peux continuer cette petite histoire. Il y a pas de fin à cette histoire. Car la bêtise humaine est éternelle. On n'a pas envie de se péter les bretelles. Ben moi ce que je vous propose c'est qu'on se déchaîne. Nous regardons face, on rit nous-mêmes. Car on est tous fous, on est tous lunatiques. On est tous désilluminés, on est pas. Formation au parleur avec Fucky Ben Red, précédé de Rapace et de Ouvrir la Cage. Ça vient de leur démo 5 pièces. Parlons un petit peu de haut-parleur. C'est Florence Civelle, auteur-compositeur, voix, guitare acoustique et guitare électrique. Vincent Civelle, auteur, voix et gazou. Et Byron Henry, ou Byron Henry, à la basse et drum électronique. Après 10 années de séparation, les frères Vincent et Florence Civelle se sont retrouvés pour fonder le duo haut-parleur en 2006. Étant tous deux allergiques au travail, famille, patrie, la chanson à texte est leur façon de faire baisser la tension. Leur double origine francophone et anglophone se retrouve dans leurs chansons, majoritairement en français, mais parsemées de bribes anglophones. Engagés dans la vie à contre-courant et constamment à la recherche de l'ouverture, haut-parleur chante le quotidien et le lointain sur des textes toujours mis à l'avant et des mélodies accrocheuses, disent-ils leurs documents de presse écrits par eux-mêmes. Jusqu'en 2007, ils font la tournée des bars et cafés de Montréal, puis participent au festival de Petite-Vallée en Gaspésie. Ils ont été semi-finalistes. Puis c'est la rencontre avec Byron Henry, un musicien spécialisé en drum and bass qui devient le troisième membre du groupe et complète ainsi le son de haut-parleur. Depuis, il n'arrête pas de créer. Les sons électroniques et la boîte à rythme viennent asseoir des textes toujours aussi pointus. Leur agenda 2008 est rempli de spectacles et le trio a participé avec grand plaisir au festival Infringement. Actuellement, haut-parleur travaille sur son premier album prévu pour cet hiver. Si vous voulez en savoir plus sur haut-parleur, rendez-vous sur leur MySpace au myspace.com/haut-parleur, la lettre O et puis le mot parleur. C'est là-dessus que vous allez trouver toutes les informations ou encore passez par le site de l'émission au www.unechance.com. On passe du côté anglophone pour aller entendre un vétéran de nos palmarès ici, oui, Pete Moss. Ça fait quand même assez longtemps de ça, mais son nouvel album s'appelle Presents Sober on Strike Episode 3. Hein? C'est, on dirait, une suite de Star Wars, quelque chose de genre. Voici, la première pièce s'appelle Sober on Strike Part 1. Je vois pas de Part 2, je vois une Part 3, mais je, en tout cas, bizarre. Comme une série, hein? C'est dans le poste d'écoute et ça se passe maintenant dans vos oreilles au 89.1 FM. C'est fou, ça! Here comes Sober on Strike, boys and girls. We'll be right back. poste, le poste d'écoute. We'll be right back. Beatmas dans le poste d'écoute. Et ça, ça passe tellement le test des palmarès, c'est fou, je pense. Ça va sûrement finir dans nos palmarès bientôt. Beatmas avec l'album Presents Sober on Strike Episode 3. On a entendu les trois premières pièces de l'album, Sober on Strike Part 1, 24 Women et She's So Crazy. Beatmas, c'est un artiste canadien, oui, qui fait dans le rock, southern rock et classic rock. L'album est en magasin maintenant. Son site est beatmas.ca ou encore myspace.com/beatmas. Il y a Tim Brink à la voix, Johnny Maximum à la lead guitar, North Quaticook Sly, oui, Quaticook Sly à la rhythm guitar et la voix, et Martin Garth Beauregard à la batterie. Il y a aussi Jeff Doobie à la basse et la voix. Si vous voulez en savoir plus, allez voir leur site web, il y a une belle biographie, plein de belles choses à voir, des petites images. C'est Beatmas avec l'album Beatmas Presents Sober on Track Episode 3. Nous, ben, ce qu'on va faire, c'est retourner du côté francophone pour aller entendre quelque chose de spécial. C'est, en fait, spécial façon de parler, parce que je regarde la pochette, puis c'est une fille avec un bas de bikini, mettons. Comment t'appelles ça? Des belles petites culottes roses. C'est la formation JNEB. Ça dit « Tout n'est pas rose », c'est le nom de l'album. Et tout de suite, voici la pièce « Sarah Lou ». Non, pas du tout. Ah, c'est fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Avec la petite Sarah Lou, elle m'avait dit. Comme elle est du genre casse-cou, qu'elle aime pas chercher des poux, je me suis dit. Évidemment, on gagne comme un froid quand c'est venu chaud, mais je t'enlève pas. Évidemment, on gagne comme un froid quand c'est venu chaud, mais je t'enlève pas. Par défaut, j'ai bourré mou à la petite Sarah Lou en lui disant. Comme je voulais rattraper le coup, j'étais un tantinet sous, tu y es dit. Quand elle a capté que je croisais les doigts. Quand elle a posé sur ma joue. Tous ses doigts, de quel droit. Finalement elle a du loup, et cette petite touche à tout était dans un de ses états. Puis je lui ai fait coucou, j'ai pris mes jambes à mon cou pour retrouver ma nana qui m'attendait sous les draps. Évidemment on gagne comme un froid quand c'est venu chaud, mais qui pendait pas. Évidemment on gagne comme un froid lorsque je sentis le parfum d'une autre nana. De quel droit. Poste d'écoute. Je m'en fous. même rengaine qui te mène tout droit à la tombe. Je fonce vers les catacombes et ma carcasse se traîne. C'est elle qui tient les rênes dans une poignée de secondes. Je poignarderai ma peine et ses pensées malsaines. Que mon cerveau féconde. La vie sans rose me pose de sérieux problèmes que je réanime quand j'enfonce dans mes veines. Ces aiguilles douteuses qui ne m'anime pas, qui ne m'anime pas. Avec la pièce Hilary, précédée de La vie sans rose et de Sarah Lou. Ça vient de leur album Tout n'est pas rose, Gineb, ou le rock hétéroclite classe. Rock, oui, de Lille, Nord-Pas-de-Calais, en France. Leur nouvel album sort le 8 décembre prochain. Je sais pas si c'est là-bas ou ici. Gineb.fr ou encore myspace.com/Gineb. Ideo Tabata, quelque chose de compliqué. Allez voir le unechance.com pour toutes les infos. Gineb, c'est un créateur protéiforme, mystérieux et audacieux. C'est le style brut du décoffrage de Gineb peut surprendre. Au premier abord, il parvient au final à proposer un univers artistique original, empreint d'humour et de dérision, dont la mission première est le divertissement. Folie, provocation, énergie sont ses chemins de croisade, dit-il sur son MySpace. Donc, allez-y, renseignez-vous, savourez cette musique si c'est votre genre de truc. On va se quitter pour la fin de la première heure avec la pièce... est-ce que j'ai dit qu'on avait entendu Hilary? On l'a pas entendu. Hein, c'est n'importe quoi ce que je fais. On va l'entendre, Hilary. On y va dans quelques secondes. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi. Vous avez toujours 20 minutes de contenu additionnel, donc vous allez aussi entendre la pièce Kate. Hein, peut-être donc, même, on sait pas. Plus tard dans l'émission, faut que j'oublie de vous dire ça, c'est quand même assez important. Plus tard dans l'émission, notre collègue Danny Janvier recevra Daniel Boucher en entrevue. C'est juste un tout petit peu plus tard dans l'émission, donc restez avec nous. C'est le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. C'est fou! Darling, it's a funny day, but he don't care. I'm gonna stay in my bed doing nothing. Crying, don't want to see the sea. Let me gozo puro un día de momentos suaves entre tú y yo. Era de una vez un día de puta madre con descubrimientos diferentes y muchos cambios. C'est la deuxième heure du Poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, toujours en direct les vendredis matins de 10h à 13h. On rappelle les samedis à midi et les mercredis à 13h. Merci d'être avec moi, avec nous ici à C'est fou et d'écouter de la nouvelle musique, des choses que vous n'avez jamais entendues avant. On va y aller avec un groupe que moi j'apprécie particulièrement. On a reçu beaucoup de pièces et beaucoup de CD même de leur part là, depuis les débuts de la station. Non, peut-être pas les débuts, ça fait plusieurs années. C'est la formation Los Campesinos. Et là, ils nous arrivent avec un gros album, là, avec un DVD qui vient avec. C'est très, très joli. C'est fait par la compagnie Arts and Crafts, ceux qui ont Stars et un paquet d'autres choses comme ça. Et ils font toujours de très, très beaux emballages là, pour nous donner une bonne raison d'acheter le CD. C'est vraiment très réussi de leur part. Je les encourage. Et lorsque Poussinon, c'est adorable. Voici tout de suite Ways to Make It Through the Wall. Tout de suite dans le poste d'écoute à C'est Fou 89 FM. C'est fou. C'est it on the rest of us, but at least I've come VCR recorder. You kiss my neck, I whisper in your ear. This is my dying flesh. You squint and you grimace. We both know your heart's not in it. Over 1,000 fireflies, no travelodge on suite. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak, and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. By the day, and all the characters are strangers, and the pubs have different names. I tell a joke, I'd like to meet them, but they loathe me and I hate them back. Absence makes the heart grow fonder, fondness makes the absence longer. Length loses my interest, I'm a realist, I'm insatiable. So can days until I fly with hours before your reply. The other slightly less than you get in return. I keep feeling like I'm being undercut. Charlotte says it's more constructive than the one in Canada. When you got drunk, ate loads of crisps and threw up by a football pitch. I know it is, and really that's what worries me. I feel like I should hurt. We are beautiful, we are doomed, Los Campesinos, précédé de Miserabilia et de Ways to Make It Through the Wall. C'est leur nouvel album We Are Beautiful, We Are Doomed, donc la pièce titre qu'on vient d'entendre. Los Campesinos, c'est un groupe de pop indie punk de Cardiff au Royaume-Uni. Alexandra, Ellen, Garrett, Harriet, Neil, Holly et Tom Campesinos. Oui, ils ont tous pris le même nom de famille, c'est tellement beau. myspace.com/Los Campesinos ou loscampesinos.com. Ils aiment Dear Roof, Granddaddy, Built Us to Spill, Yo La Tango, The Fiery Furnaces. Oh, j'adore Fiery Furnaces. Enfin, donc, Los Campesinos sont un de mes groupes préférés depuis que je suis assez fou, là. J'aime ça. Oh, donc, c'est ça. C'est presque mon poste d'or. C'est presque déjà couronné. T'sais. La compétition ne sera pas très, très forte aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on couronne toujours un poste d'or avant la fin de l'émission ou sur le site de l'émission, www.unechance.com. Mais c'est là-dessus que vous pouvez aussi trouver les liens des artistes de l'émission et puis télécharger la balade de diffusion à chaque semaine. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Oui. À quoi passons-nous? Passons à un autre style de musique. J'ai envie de varier un petit peu. Allons entendre du punk. Pourquoi pas? On va l'entendre une formation qui est aussi passée par les palmarès de ces fous. Hein. Il n'y a pas juste Los Campesinos et Pete Moss qui sont passés par nos palmarès. Il y en a des centaines par année. Donc, ça, on va l'entendre la formation de Matadors. Leur album s'appelle Sweet Revenge. Et à l'instant même, voici That's How She Died. Donc, on s'écoute. Toutes les nouveautés pour la première fois à la radio. It was that night we were out of the bar. Got in a fight and she took it too far. I said, baby, baby, you're drunk. Let me take you home tonight. said, well, I ain't drunk, you're just someone I can't stand. Next thing I know, she was leaving with another man. I said, baby, baby, where you going? Ain't you coming home tonight? Well, I chased from that bar, I chased you into the night. But all I saw was brown dirt and trailing taillights. I could see he was all over the road. That's when I knew you was never coming home. So I said, baby, baby, bye-bye, hope you fucking die tonight. Well, as it turns out, he was too drunk to drive. If you were seeing double, baby, he was seeing five. Right into the rhubarb island, going out of season. Doctor said not enough blood in the wounds. That was the reason, baby, that's why. Baby, that's why you up and died that night. Just how you died that night. Choking on a cake, baby, that's how she died. When I told her mama, Lord, how she cried. You should've listened when I said, baby, you're drunk. Oh, baby, you're drunk. Oh, baby, you're drunk. Baby, you're drunk. Baby, take you Restez là, au retour, il y a plus de Matadors et on reçoit Daniel Boucher en entrevue au poste d'écoute. C'est le poste held my heart just long enough to watch it crack. You tore my life apart. This hollers with you all, and I'm gonna reach you from my mind. Yeah, with a little bit of alcohol, I'm gonna drink my blues away from me. With a little bit of rock and roll, man, I'm gonna dance your memory away. Well, bye bye, baby. Sick of living, baby. Now I'm sick and tired. Never thought I'd be so scared of losing before. Now I'm losing my mind. Never thought I'd ever see you walk away. Never wanted you to see me cry. Never want to see every time I close my eyes. You stole my heart, but you don't care about that. You lied and cheated and stole all I had, but the clothes on my back. But you ain't beat me yet. I've got ways to forget, and I'm gonna rid you from my mind. Yeah, with a little bit of alcohol, I'm gonna drink my blues away. The Matador, c'est A Little Bit of Alcohol dans le poste d'écoute. Justement, c'est la pièce Up All Night et on a débuté avec That's How She Died. Ça vient de leur album Sweet Revenge. C'est tout nouveau. On vient de recevoir ça ici, assez fou, cette semaine. Du psychobilly, rockabilly, punk, The Matadors, qui viennent des plus lointaines profondeurs de l'enfer au Canada. TheMatadors.net et leur site web ou myspace.com/ The Matadors. Dans le groupe, il y a Ouch. Hein? Ouch à la guitare et à la voix principale, Jay Westman à la batterie et à la destruction, influence le diable, l'alcool, le feu, les vagins. Oui, j'ai dit le mot à la radio. C'est écrit sur leur MySpace, je ne fais que citer. Alcool, le feu, brûler des choses, la violence, les femmes belles. Un groupe très mature, très fort. The Matadors avec leur album Sweet Revenge. Maintenant, changeons de registre un petit peu. Il y a deux semaines, on écoutait pour la première fois ici dans le poste d'écoute le nouvel album de Daniel Boucher. Et un petit peu plus tôt cette semaine, on a eu une encore plus grande chance, oui, notre correspondant Danny Janvier a eu la chance de recevoir Daniel Boucher dans nos studios. Et voici ce que ça a donné. Donc, salut Daniel. Eh bien, salut. Merci d'être ici même dans les super studios haute classe de C'est fou. Non, mais ça fait longtemps que je suis pas venu. Oui, ben on t'a vu, je pense, de 2 ans peut-être. Je sais pas c'est quand la dernière fois, mais ça fait un petit bout de temps. Donc, ben justement, qu'est-ce qui nous vaut ta visite? Tu vas pouvoir nous en parler. Ben je viens de sortir un disque le 11 novembre, moi. Ça s'appelle Le Soleil est sorti. Et puis, c'est quoi qu'il y a de neuf sur cet album ou qu'est-ce qu'il y a de meilleur, différent? C'est le meilleur des trois. OK. C'est ça qui est différent. C'est le meilleur. C'est le quatrième, non? C'est le troisième. Ouais. Ben c'est parce que t'as fait des lives, c'est ça? Oui, il y a des lives aussi. C'est le troisième studio, excuse-moi, non? Tu t'es pas trompé. T'as raison, en fait. OK. T'as raison. Bon, ouais. Ben merci. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus, sur cet album-là? Je pense qu'il est plus personnel, hein? Il est plus personnel. C'est vrai qu'il est plus personnel. Il est plus organique, je dirais. OK. Puis qu'est-ce qui t'a influencé pour cet album-là? Ben, regarde, alors, comment ça s'est passé, c'est que à un moment donné, j'ai décidé de faire un nouveau disque. J'ai essayé de recommencer à écrire, puis ça m'a pris du temps plus que je pensais. Les tunes ne venaient pas comme je voulais. Je me suis posé des questions. Bon, ça a pris plusieurs mois. Je me suis vraiment demandé ce qui se passait, puis est-ce que je finirais par en venir à bout. Puis à un moment donné, le canal a débloqué, puis les tunes ont commencé à arriver. Puis une tune après l'autre, j'étais surpris de ce que je voyais, puis de ce que j'entendais. J'étais surpris de ces tunes-là, mais je les aimais, tu sais. Je les aimais. Ça a sorti d'une shot. Ça a sorti d'une shot. Puis on a décidé aussi de les enregistrer, je te dirais pas d'une shot, mais spontanément aussi, tu sais. Parce que les tunes est arrivé spontanément. Fait qu'on a décidé, justement, dans la même logique, de garder le son du drum comme un son de drum. T'sais, pour une fois, le drum, il sonne pas comme une soucoupe volante. Puis, ce qui est bien le fun à faire aussi, t'sais, c'est le fun de faire sonner un drum comme une soucoupe volante. Mais là, c'était pas l'album pour ça. T'sais. On a décidé que les instruments sonneraient comme des vrais instruments. Puis au lieu de jouer avec les boutons comme on fait d'habitude, ben là, on a décidé d'ajouter des instruments qu'on n'avait pas ajoutés jamais, t'sais, qu'on n'avait jamais utilisé. Des vrais violons, de la vraie trompette, du vrai piano. On a un petit peu plus d'harmonie de voix, ça chante un petit peu plus que d'habitude. La guitare acoustique est un peu plus en avant, tu sais. Mais c'est l'album le plus organique des trois, c'est l'album le plus concret, c'est l'album le plus spontané, le plus émotif aussi. Puis d'un bout à l'autre, c'est la ligne qu'on s'est donnée, tu sais. S'il y a un thème dans cet album-là, c'est ça. La pochette est en carton. Les textes sont écrits à la main. C'est moi qui les ai écrits. Les photos sont maison. Tu sais? C'est un album personnel et organique. Mais justement, tout ce processus-là, de, comme tu dis, tout d'un bout, ça a pris combien de temps? Ça a-tu été un long processus quand même? Mettons, un coup, tu as eu tes pièces, là. Ça a été combien de temps? Ça a déboulé. Je veux dire, les pièces sont arrivées au printemps, puis l'album est sorti à l'automne. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est vraiment passé comme ça. Puis pour ton écriture, tu t'es-tu sauvé dans le bois ou bien tu t'es-tu mis en ermitage à quelque part? Non. En fait, là, depuis une couple d'années, je passe à peu près la moitié de mon temps à Gaspésie. Ma maison est là-bas, tu sais. Tout habite là, OK. Ouais. Mais quand les tunes sont arrivées, j'étais à Montréal, dans un appartement du plateau Mont-Royal. Tu sais, là, un appartement, là, avec des vieux cadrages de portes, puis des portes d'armoire qui ferment mal. Des planchers croches. Planchers croches. Puis des fois, fallait que je fasse pas de bruit pour pas réveiller voisins. C'est un appartement à Montréal, toi, puis une maison en Gaspésie. Ouais, c'est de même, ça se passe. Excellent. Ça, c'est le meilleur des deux mondes, finalement. Oui. Prévois-tu venir nous voir à Trois-Rivières à part aujourd'hui, là? Oui, l'année prochaine en tournée. On va commencer à monter le show après fête. La date n'est pas encore arrêtée, puis la salle non plus. Ouais, c'est assez difficile à Trois-Rivières, les salles en ce moment. Qu'est-ce que tu penses, toi? Maintenant, depuis qu'il n'y a plus le Maquisard, ça se fait dans les bars, sinon c'est la salle Jean-Tony Thompson. Puis quoi? Mais ça rock pas, la salle Jean-Tony Thompson. Tu le ménages. sortie. Le monde se réveille comme si c'était le début d'une nouvelle vie. Dis-moi donc oui. Serre ton parapluie. On jette aux poubelles toutes nos vieilles affaires. On fait-tu le ménage? On se fait-tu clair? En tournée, ça se passe comment, Daniel Boucher? C'est-tu le sex, drug and rock and roll ou ben c'est comment? Hey, ça rit, c'est un sourire qui en dit long. Oui, ben c'est parce que nous autres, on... Il y a une affaire que j'oublie jamais quand on part à tourner, c'est une valise, OK? Tu as quand même un bon coffre, là. Puis là-dedans, j'ai une théière puis un jeu de crib. Excellent. Okay? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais nous autres, on est tellement malades, là. Tu sais, on est tellement fous, là, tu sais. Écoute, des fois, là, ça nous arrive même, là, on peut jouer pendant une demi-heure au crib sans arrêt. En buvant du thé, après le show, là. Tu sais, pas avant, là. Bon, ben. Il n'y a rien pour nous faire peur, tu sais. Toi, qu'est-ce qui t'a influencé comme musique à la base, si on revient au début, là? Qu'est-ce qui t'a fait que t'as fait de la musique, t'as lâché, je pense que t'étais en génie civil, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'as tout lâché? Le choc, c'est quand j'ai donné mon premier show, okay. Cégep en spectacle. Ça, c'était à quel cégep, là? Au cégep en cycle. J'étais rendu en troisième année d'un DEC de 3 ans en génie civil. J'ai donné mon premier show, puis ça a été tellement violent comme choc. Je me suis dit, écoute, c'est ça que je veux faire dans la vie. Tu sais, je veux pas que ça m'arrive juste une fois par année. Tu sais. Ça a été ça. Pis la musique que j'écoutais, ben, écoute, je ne te mentirais pas que j'ai toujours été un gros fan des Beatles. Dans ce temps-là, je découvrais Charlebois aussi. Là. On parle du début des années 90. Moi, je découvrais Charlebois à cet âge-là, tu sais, à cette époque-là. Puis après ça, j'ai été frappé par la musique qui s'est faite un peu dans ce temps-là. Surtout Pearl Jam. Desjardins quand il est arrivé. Jean Leloup quand il est arrivé. Beck quand il est arrivé. Beck c'est quelque ouais, chose. Ouais. Beck. Je pense qu'il en a influencé. Comme chansonnier moderne, là, il est dur à battre. Et puis, justement, dans ton iPod ou dans ton auto en descendant ou en tournée, qu'est-ce que tu écoutes? Ça dépend il est quelle heure. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr que quand on joue au crib, là, mettons, en buvant du thé, là, écoute. Il n'y a pas grand-chose pour nous arrêter. C'est déjà arrivé que le diffuseur, il vienne jouer au crib avec nous autres. Non, mais sérieusement, il y a toujours les strokes, moi, quand je fais du troc, là. Mais sinon, toutes sortes de patentes, là, dans un band récent, il y a Gatineau qui m'a accroché pas mal. Malajube, c'est sûr. Il y a le Husky, tu connais-tu ça? Ah, si j'adore. Moi, c'est cool, le Husky. Hein? Ici, ça a marché fond. Là. Vraiment des textes accrocheurs au bout. Oui, puis c'est accrocheur au bout. Même si c'est weird, des bouts, là. Moi, je trouve ça malsain par bout. Ça tourne sur le suicide, man. Là. C'est malsain, mais c'est fort. C'est fort, mais je veux dire, c'est pas supposé de donner ça comme impression. Je veux dire, t'as quasiment le goût de te suicider, tu sais. Ça peut pas être... C'est pas correct, là, faire ça. C'est ça, c'est malsain, mais il m'a frappé. J'avoue qu'il m'a frappé. Et puis, sur ton album, toi, ça serait quoi tes pièces coup de cœur, tes meilleures pièces? La toune qui me fait le plus d'effet, là, c'est « Le tel quel la vie ». Le tel quel la vie, c'est la toune la plus surprenante de cet album-là, parce que moi, quand t'es arrivé, j'avais l'impression que le facteur s'était trompé d'adresse, man. C'était comme pas toi, autant. C'était comme... On n'aurait pas dit qu'elle était faite, que c'était à moi qui était livré, tu sais. Donc, est-ce que ce serait la pièce que tu voudrais qu'on entende en quittant cette entrevue? Ah, ben oui. Ça peut être celle-là, mais il y en a d'autres. Hein? Ah, il y a Sans Mamie qui est le premier extrait radio. Écoute, il y a Marché qui pourrait être le fun à faire jouer. Il y a Docteur. Mais comment tu choisis justement ton extrait radio? Non, on est une équipe, on en parle, puis on décide ensemble. On se parle, puis on se dit peut-être que ça pourrait être celle-là. Mais de toute façon, quand tu es en paix avec ton album, ça te dérange pas d'en envoyer une à radio parce que tu n'as pas l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Tu sais, t'en choisis une, puis tu l'envoies. Celle qui va fitter le plus dans cet univers-là. Puis c'est correct. À partir du moment où tu es en paix avec ce que tu as fait, pas de problème à le faire. Tu sais. Excellent. Ben donc, on va se quitter avec ta pièce. Veux-tu nous la représenter? Le tel quel à vie. Et qu'est-ce que ça signifie, ce titre? Le tel quel à vie. Ben, en fait, c'est la dernière ligne de la toune. Ça dit, si tu m'amourais rien que tel quel, je pense qu'on s'amourerait le tel quel à vie. Excellent. Merci, Daniel Boucher. OK. Merci à vous autres. Daniel Boucher et le tel quel à vie de son nouvel album Le Soleil est sorti. Un petit peu avant ça, c'était l'entrevue que Danny Janvier, mon collègue adoré, a réalisé avec lui plus tôt cette semaine. On a aussi entendu la pièce Le Soleil est sorti, c'est la pièce de ce nouvel album qui est disponible maintenant. Daniel Boucher, merci de votre présence et merci à Danny Janvier pour Danny Janvier pour l'entrevue. Voilà. C'est presque la fin de la deuxième heure. On va continuer en musique et on va l'entendre Wet Nose Hero avec Congratulations. Ah, ah, ah, ah. Ça, c'est le nom de leur album. Tout de suite, voici You Keep Thanking Me. Hein? T'arrêtes pas de me remercier, comme je fais avec Danny Janvier et Daniel Boucher. Daniel. Hey, ils ont des noms qui riment, eux autres. Wow. Vous utilisez le poste d'écoute au 89.1 FM, on apprend plein de choses. Thank you. days for having something to say. You keep thanking me these days for having something to say. Well, it's about time. Oh, well, it's about time. Oh, and sometimes our hearts are embarrassing, and sometimes our hearts are embarrassing. And say them, but I want you to know that sometimes I write them down and I sing them to the dogs, and that's okay because everything's okay. And sometimes our hearts are embarrassing, and sometimes our hearts are embarrassing. And I want mine to be wise, do-do-do-do-do, and I want mine to be quiet, do-do-do-do-do, and I want mine to be wise, do-do-do-do-do, and I want mine to be quiet. Was this hard on you? Is this difficult? Are you hurt? Are you hurt? Was this hard on you? Is this difficult? Are you hurt? Are you hurt? Hurt? 1, 2, 3, 4. Pas sûr de ça. Pas sûr du tout. C'est Wet Nose Hero ou Sarah Mingle avec son album Congratulations. Ha ha ha. Ça, c'est la pièce You Keep Thanking Me. On va se laisser avec la pièce Garbage Bag tout à l'heure. En fait, elle est appelée Garbage Bag sur l'album. Elle s'appelle Garbage Can sur son MySpace. On sait pas trop. MySpace.com/Bizebear. C'est du Western Swing Indie Two Step, selon elle-même, de Halifax, Montréal, Guelph, Canada. Sarah Mingle et ses invités spéciaux, hein? C'est tout ce que ça dit sur son MySpace. Bizarre. Vraiment pas certain. Pas certain d'apprécier du tout. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion là-dessus, donc en se laissant avec Garbage Bag / Garbage Can. On revient avec une troisième heure remplie de nouveautés musicales tout à l'heure, avec entre autres, et là j'en nomme que quelques-uns, Serena Ryder, et aussi avoir le nouvel album de Robin Hunter and the Six Foot Bullies, hein, assez intriguant, comme tout. Allez voir unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui pour télécharger la balado-diffusion. Restez avec nous. Le poste d'écoute continue dans quelques instants à peine dans votre Radio Campus à Trois-Rivières, le 89.1 FM. C'est fou ça! disgusting and red and dirty and smelly like some kind of garbage bag. Not your lover, a dirty old garbage bag. Runaway monkeys into the sky. She kissed my shoulder, I didn't know why. Our mothers will thank us and your sister will sigh again. I'm sorry we can't say hello without crying. And I'm sorry we can't say goodbye. And I'm sorry we can't say hello without crying. And I'm sorry we can't say goodbye. Bonjour à toi, cher auditeur des rediffusions du poste d'écoute, ici Mathieu Plante en direct du passé pour te dire ce qui s'en vient pour compléter cette heure, vu qu'on continuera pas avec Wet Nose Hero. On va entendre plutôt la formation canadienne Break Light Fade avec deux pièces, Red Dawn Morning et Diamonds Are Indestructible. Bonne écoute! Waited before, but you can't, but you Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et quand je dis toutes, c'est un pourcentage qui est pas mal plus proche de genre 10-15% de ces temps-ci. On en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Oui, beaucoup. En passant, tantôt, je vais avoir quelques annonces à faire par rapport à la programmation du mois de décembre ici dans le poste d'écoute. Donc, restez là pour ça. La troisième heure va être remplie de plein de choses différentes. Là, surtout, je regarde ça. Tous des artistes canadiens. Hein, on aime ça, des fois, par des artistes canadiens. Il va y avoir tantôt Robin Hunter, le Six Foot Breeze. Il va aussi y avoir Seven Story Redhead. Donc, on y va en termes de hauteur, là. 6 pieds, puis 7 étages de haut. Mais on commence avec Serena Ryder, avec son album Is It Okay? Voici Sweeping the Ashes, tout de suite dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. You would have told me when I was young, when I had space to fill and someone to become. Oh, oh. 'Cause darling, I'm beside myself and I don't think that you know which one of me you are talking to. Feeling tonight. Oh, oh, oh. Wish you wouldn't warn me before today that you had fallen out, your love had gone away. Talking to you before you left. It was a lesson that you left behind instead. Oh, oh. I guess I was beside myself and didn't know that you knew which one of me you were talking to. And Pour visiter les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. Bit of Red. Dans le poste d'écoute, justement, c'était Sweeping the Ashes. Bien. C'est correct. C'est bien. Serena Ryder, qui vient de Toronto, en Ontario. C'est du pop folk blues. C'est pas vraiment mon genre à moi, mais c'est correct. Allez voir sa page MySpace sur myspace.com/ Serena Ryder avec un Y. Il y a sa biographie là-dessus. Et plein de belles choses, des photos, vidéos, etc., etc. Oh, en entrevue. C'est beau. Serena Ryder avec l'album Is It Okay. On reste dans le canadien. On va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'émission, je crois bien. On va entendre Robin Hunter and the Six Foot Bullies. L'album s'appelle, et là, vous allez trouver que mon anglais est bizarre, mais c'est comme ça que c'est écrit. You Just Gotta Get Used of It. Non, pas to it. You Just Gotta Get Used of It. Par Robin Hunter and the Six Foot Bullies. D'ailleurs, leur site web est vraiment www.robinhunterandthesixfootbullies.com. Essayez d'appeler ça sans erreur dans votre furteur internet de préférence. Parce que si vous le tapez ailleurs, ça ne donnera pas grand-chose. Voici Drunk Limousine tout de suite dans le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous à C'est Fou 89.fm. OK. 1, 2, 3... I work till I stink, I go home and die, I wake up again, I don't even know why. It's in my mind. The same old dream. Just want a beautiful damn woman in a drunk limousine. I get a paycheck. I'm working too cheap. I drink up the money and I wait till next week. It turns in my brain like a brand new washing machine. A beautiful damn woman in a drunk limousine. You think it's easy? Whatever you do, when does this hard work ever pull you through? They got something makes you turn the screw till you wind up so tight there ain't nothing left to do. A vision of hell, what does hell mean? A beautiful damn woman in a drunk limousine. Well, I can't help it if I got dead eyes. It's the job that's killing me. I can't help it if I look good on paper. It's the job that's killing me. That success, that's my dream. Small, beautiful damn woman in a drunk limousine. Snuck into my dreams. You know I don't believe in foolish things. Can't keep that image out my mind. That big black car rolling down the line. And here and now easing on the brake. She's sliding out of that seat. I can see them legs. Run out the door, out into the street. There's nothing there but the cool evening breeze. Bed sleeping in late. I got a job, keeps food on my plate. I live alone and I make my rent and I sit with the years that went. Lying in my bed 9:15. Been in this bed since old supper time. I go out and I get bent and I come home again to the years it went. I got a heart, I've been hearing it beat. I've been listening to this story repeat. It's gotta be more life than a job and an apartment. It's gotta be more life than the years it went. Well, where was that girl? She was so damn beautiful. I think I saw her on my dusty old TV screen. Or was that just the usual dream? Or was that just a drum limousine? Was it just a drunk limousine? Retour un petit peu plus de Robin Hunter et Seven Story Redheads dans votre L-Pod. C'est le poste d'écoute L-Pod. L-P-O-D. Le poste d'écoute. Robin Hunter and the Six Foot Bullies avec Purple is a Royal Color. Juste avant, c'est la pièce Drunk Limousine de leur album You Just Gotta Get Used of It. Et oui, l'erreur est intentionnelle ici. Trio acoustique qui joue les chansons de Robin Hunter. Ils viennent d'Edmonton en Alberta. Allez voir myspace.com/RobinHuntersFB. Hein? D'accord. Ou encore Robin Hunter and the SixFootBullies.com. Dans le groupe... It's a grouper. Il y a Robin Hunter, John Woody Warachuk et Tom Golub. Influence le son d'une... The sound of one glib and insouciant remark clapping. Qu'est-ce que ça veut dire? Fouillez-moi. Groupe étrange, musique particulière, bizarre, louche, je sais pas trop. C'est pas mauvais. C'est quand même bien. Robin Hunter and the Six Foot Bullies. L'album s'appelle You Just Gotta Get Used of It. On reste dans le Canadien, on reste dans les hauteurs, hein, parce que Six Foot, c'est 6 pieds, c'est pas pire, mais Seven Story Redhead, une rousse de 7 étages, ou un roux de 7 étages, c'est quand même assez impressionnant. Hein? Il y en a pas sur la couverture, étrangement, la couverture est bizarre. Là. C'est comme un cuir avec des trous là, ou des points. En tout cas, c'est pas grand-chose. À l'intérieur, il y a des photos des membres du groupe en train de jouer de leurs instruments, ou chanter, ou quelque chose, ou même fumer un cigare, dans un champ, avec des montagnes et des petits oiseaux. Hein? Je suis bon pour décrire les affaires, ça n'a même pas de mots de bon sens. Donc, Seven Story Redheads, c'est le nom du groupe, c'est aussi le nom de l'album. Tout de suite, voici Let's Just Pretend, comme dans Faisons semblant que j'ai rien dit pendant cette intervention-là. OK? Deal? Do we have it? Deal or no deal? Hein? Hein? Ouvre la valise. Ouvre-la. Mets ma dignité dedans. Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cfou.ca. Another manga has come, I see. Yeah! Seven Story Redhead avec Space Monkey, So Are You, précédé de Oh So Young, Oh So Tragic et de Let's Just Pretend. Seven Story Redhead, très très très bon ça. Album éponyme de rock indie post-punk. Hein? Ce groupe vient de Calgary en Alberta. Allez voir myspace.com avec Seven Story Redhead ou encore sevenstoryredhead.com. Les membres sont Kelly The Snitch à la guitare et la voix, Franklin D.D. à la basse et la voix, Dr. Chris Bell au Pro B, d'accord, et Long Knuckle à la batterie. Intéressant, intéressant. Seven Story Redhead qui existe depuis l'automne 2004. Leur but, créer... regardez bien la phrase. Regardez bien, je vais essayer de le traduire. Je pense pas être capable. Je vais le dire en anglais. To create the leanest, most unbloated rock and roll distilled from the purest pedigree. Le rock'n'roll le plus distillé, sans additifs, sans ajouts, le plus clair possible, droit au but. Ah ouais, donc, direct d'un dent. C'est ce qu'ils veulent faire comme rock. Okay? C'est Seven Story Redhead. Retenez ça et allez voir lunechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. Déjà presque à la fin de l'émission, on a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses jusqu'à maintenant. J'ai mis des cœurs à côté de l'indice avec Le Jour Après Noël, Pete Moss avec Presents Sober on Strike Episode 3, J-N-E-B avec Tout n'est pas rose, Los Campesinos qui risque pas mal d'être ça, là, je pense, avec We Are Beautiful, We Are Doomed. J'ai pas encore mis le reste. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de bonne musique aujourd'hui. On aime ça trier, faire un filtre, un processus de filtrage intense. On va terminer l'émission presque avec The Craft Economy. Drôle de nom pour un groupe, oui, je sais, The Craft Economy. Leur album s'appelle The Craft Economy is on your side. Et tout de suite, voici Minergy! À radio! C'est fou, 89 FM. Radio Minergy. Non, du tout. D'écoute. The Craft Economy avec The Tonic. J'espère que je n'étais pas tout seul à être pris par surprise par cette pièce-là. Hein? Bye bye, mon cowboy. C'est quelque chose. Avant ça, c'était la pièce qu'on appelle communément dans le jargon Minergy. Oui, ça aide la formation The Craft Economy. C'est du indie post-punk New Wave de Toronto en Ontario. Allez voir myspace.com/TheCraftEconomy ou encore TheCraftEconomy.com. Les membres sont Linda, la voix de fille. Constantine, la voix de garçon. Scott, une guitare. Jake, une basse. Andrew, une guitare, un synthétiseur. Et John, un kit de batterie. C'est ce que ça dit sur leur MySpace, qui est assez intriguant. Tout en rose. L'imagerie rose avec eux, c'est très, très mignon. Très mignon. Ils essaient de trouver la chanson pop parfaite. Disent-ils, ils jouent dans des clubs, des bars, des garages, des fermes, pour tous les âges. Ils aiment faire la fête. J'aime faire le pet, qu'ils disent. myspace.com/TheCraftEconomy, retenez ça. Allez voir lunechance.com aussi pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui. Si vous avez entendu quelque chose, vous savez pas ce que c'est, là, vous voulez savoir, hein, retournez sur le site, cherchez un peu, allez-y par bloc, là, c'est séparé par heure, c'est très facile à trouver. www.lunechance.com, là-dessus aussi, la balado-diffusion chaque semaine pour entendre en MP3. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine au poste d'écoute, les vendredis à 10h, les samedis à midi, les mercredis à 13h. N'oubliez pas que les rediffusions ont 20 minutes de contenu additionnel. Je vous retrouve aussi au Pavarès C'est Fou et à Écoutons la Don la chanson. Je vous avais dit que je vous parlerai de nos spéciaux de fin d'année. On va en parler très, très rapidement avant que l'émission se termine de façon très abrupte. Très, très abrupte. Il va y avoir le poste d'écoute sous le sapin 2008, notre spécial de fin d'année le vendredi 12 décembre. Il va y avoir le poste d'écoute du Père Noël le 19 décembre. Allez voir lunechance.com pour tous les détails. On se quitte avec The Craft Economy. Et la pièce Big First Little Dog. Bonne semaine. Je vous en reparlerai une autre fois. Vous avez rien fait de tout ça, je sais. Mais c'est ça, pareil. À un moment donné, on va pas tout vous dire 3 ou 4 millions de fois. Hein? Non, ouais, c'est ce qu'on va faire.